jours de long, ça revient trop souvent. Je ne sais comment passe le temps. Le 1er mai, à peine est-il fané, qu'un nouveau brin de muguet renaît. Le 14 juillet, je l'avais oublié, et voilà ses lampions rallumés. Et la Toussaint qui revient comme un glas pour tous ceux qui ne reviendront pas. Et non, encore l'anniversaire, des matins sans lumière, où tu partis comme un oiseau. Et non, de plus ma belle, pour souffler tes chandelles et manger seul ton gâteau. Le jour de l'an, ça revient trop souvent. Je ne sais comment passe le temps. Le jour de Pâques, ça revient comme le jour, le premier où l'on a fait l'amour. Et la Pentecôte, c'était hier encore, je découvre la mer au Tréport. Et la Toussaint, la voilà qui revient, avec un chrysanthème à la main. Et non, encore l'anniversaire d'un jour qui va me faire pleurer quand je devrais sourire. Et non, de plus ma belle, va souffler les chandelles de tes souris.